Je n'ai pas d'argent. Je n'achète pas de disques. Si j'avais de l'argent, j'achèterais des disques. Je n'ai pas encore 18 ans. Je ne vote pas. Si j'avais 18 ans, je voterais. Je n'habite pas à la campagne. Je n'ai pas de chien. Si j'habitais à la campagne, j'aurais un chien. Je ne suis pas en vacances. Je ne vais pas à la mer. Si j'étais en vacances, j'irais à la mer. Il ne fait pas beau. Je ne sors pas. S'il faisait beau, je sortirais.